Ceci est un enregistrement de Léa pour audiocité.net. Article de M. Paul Broca, paru dans le bulletin de la Société d'anthropologie de Paris en 1861. Perte de la parole, ramollissement chronique et destruction partielle du lobe antérieur gauche du cerveau. Par M. Broca. M. Broca, à l'occasion du procès-verbal, présente le cerveau d'un homme de 51 ans qui est mort dans son service à l'hôpital de Bicêtre et qui avait perdu depuis 21 ans l'usage de la parole. La pièce devant être déposée dans le musée Dupuytren et l'observation complète devant être publiée dans le bulletin de la Société anatomique, nous nous bornerons à donner ici un court résumé de ce fait qui est tout à fait semblable à quelques-uns de ceux dont M. Haubertin a parlé dans la dernière séance. Lorsque le malade fut admis à Bicêtre il y a 21 ans, il avait perdu depuis peu de temps l'usage de la parole. Il ne pouvait plus prononcer qu'une seule syllabe, qu'il répétait ordinairement deux fois de suite, quelle que fût la question qu'on lui adressa. Il répondait toujours « tant, tant », en y joignant des gestes expressifs très variés. C'est pourquoi dans tout l'hospice, il n'était connu que sous le nom de « tant ». À l'époque de son admission, Tant était parfaitement valide et intelligent. Au bout de 10 ans, il commença à perdre le mouvement du bras droit. Puis la paralysie gagna le membre inférieur du même côté, si bien que depuis 6 à 7 ans, il a continuellement gardé le lit. Depuis quelque temps, on s'est aperçu que sa vue s'affaiblissait. Enfin, ceux qui étaient en rapport particulier avec lui avait remarqué que son intelligence avait beaucoup baissé dans ces dernières années. Le 12 avril 1861, il fut transporté dans le service de chirurgie de l'hospice pour un vaste flegmont diffus, gangréneux, qui occupait toute l'étendue du membre inférieur droit, du côté paralysé, depuis le coude, pied, jusqu'à la fesse. Ce fut alors que M. Broca le vit pour la première fois. L'étude de ce malheureux, qui ne pouvait parler et qui, étant paralysé de la main droite, ne pouvait écrire, offrait bien quelques difficultés. On constata toutefois que la sensibilité générale était partout conservée, que le bras et la jambe gauche obéissaient à la volonté, que les muscles de la face et de la langue n'étaient point paralysés et que les mouvements de ce dernier organe étaient parfaitement libres. L'état de l'intelligence n'a pu être exactement déterminé. Mais on a eu la preuve que Tant comprenait presque tout ce qu'on lui disait. Ne pouvant manifester ses idées ou ses désirs que par les mouvements de sa main gauche, il faisait souvent des gestes incompréhensibles. Les réponses numériques étaient celles qu'il faisait le mieux, en ouvrant ou fermant les doigts. Il indiquait sans se tromper l'heure d'une montre à seconde. Il savait dire exactement depuis combien d'années il était à Bicêtre, etc. Toutefois, diverses questions auquel un homme d'une intelligence ordinaire aurait trouvé le moyen de répondre par le geste, sont restés sans réponse intelligible. D'autres fois, la réponse était claire, mais ne se rapportait pas à la question. Il n'est donc pas douteux que l'intelligence du malade avait subi une atteinte profonde, mais il en conservait certainement plus qu'il n'en faut pour parler. Le malade est mort le 17 avril 1861. À l'autopsie, on a trouvé la dure mère épaissie et vascularisée, tapissé à sa face interne d'une épaisse couche pseudo-membraneuse, la pie-mère épaissie, opaque et adhérente sur les lobes antérieurs, surtout sur le lobe gauche. Le lobe frontal de l'hémisphère gauche est ramolli dans la plus grande partie de son étendue. Les circonvolutions du lobule orbitaire, quoique atrophiées, ont conservé leur forme. La plupart des autres circonvolutions frontales sont entièrement détruites. Il est résulté de cette destruction de la substance cérébrale une grande cavité capable de loger un œuf de poule et remplie de sérosité. Le ramollissement a gagné en arrière le pli ascendant du lobe pariétal, en bas le pli marginal du lobe temporosphénoïdal. Enfin, dans la profondeur, le lobule de l'insula et le noyau extraventriculaire du corps strié. C'est à la lésion de ce dernier organe qu'on doit attribuer la paralysie du mouvement des deux membres du côté droit. Mais il suffit de jeter un coup d'œil sur la pièce pour reconnaître que le foyer principal est le siège primitif du ramollissement, est la partie moyenne du lobe frontal de l'hémisphère gauche. C'est là qu'on trouve les lésions les plus étendues, les plus avancées et les plus anciennes. Le ramollissement s'est ensuite propagé très lentement dans les parties environnantes. Et l'on peut considérer comme certain qu'il y a eu une très longue période pendant laquelle le mâle n'occupait que les circonvolutions du lobe frontal. Cette période correspond probablement aux 11 années qui ont précédé la paralysie du bras droit et pendant lesquelles le malade, ayant conservé toute son intelligence, n'avait perdu que la parole. Tout permet donc de croire que, dans le cas actuel, la lésion du lobe frontal a été la cause de la perte de la parole.